Bonsoir, bonsoir, vous écoutez Canal Sud. Thank you. disais, vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Nous sommes le vendredi 9 juin 2017, il est post 21h, c'est nuisance. Excusez, vous écoutez Canal Sud. Discussion incessante. Fin de compte. Mourez enfin, mourez enfin. Fin de compte. Mourez enfin, mourez enfin. Fin de compte. Mourez enfin, mourez enfin. Fin de compte. Charlie. Gives a fuck. Faire foutre. Allez vous faire foutre. Bon, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Bon, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Restez chez vous, buvez de la bière, matez du foot, votez pour Le Pen, j'en ai rien à foutre. Allez, restez chez vous, buvez de la bière, matez du foot, votez pour Le Pen, j'en ai rien à foutre. Allez, restez chez vous, buvez de la bière, matez du foot, votez pour Le Pen, j'en ai rien à foutre. Allez, restez chez vous, buvez de la bière, matez du foot. J'en ai rien à foutre. Allez, restez chez vous, buvez de la bière, passez du foot. Votez pour Le Pen, j'en ai rien à foutre. Allez, restez chez vous, buvez de la bière. Savoir,

Ils sont à table. Ils ne mangent pas. Ils ne sont pas dans leur assiette. Et leur assiette se tient toute droite. Ils ne sont pas dans leur assiette. Verticalement derrière et leur, assiette leur tête. Au hasard des oiseaux. J'ai appris très tard à aimer les oiseaux. Je le regrette un peu. Mais maintenant, tout est arrangé. On s'est compris. Ils ne s'occupent pas de moi et je ne m'occupe pas d'eux. Je les regarde. Je les laisse faire. Tous les oiseaux font de leur mieux. Ils donnent l'exemple. Pas l'exemple comme par exemple Monsieur Glacis qui s'est remarquablement courageusement conduit pendant la guerre, ou l'exemple du petit Paul qui était si pauvre et si beau et tellement honnête avec ça et qui est devenu plus tard le grand Paul, si riche et si vieux, si honorable et si affreux et si avare et si charitable et si pieux. Ou par exemple cette vieille servante qui eut une vie et une mort exemplaire, jamais de discussion, pas ça. L'ongle claquant sur la dent, pas ça, de discussion avec monsieur ou avec madame au sujet de cette affreuse question des salaires. Non, les oiseaux donnent l'exemple. L'exemple comme il faut, exemple des oiseaux. Exemple des oiseaux. Exemple les plumes, les ailes, le vol des oiseaux. Exemple le nid, les voyages, les chants des oiseaux. Exemple la beauté des oiseaux, exemple le cœur des oiseaux. La lumière des oiseaux. Quel jour sommes-nous? Nous sommes tous les jours, mon ami. Nous sommes toute la vie, mon amour. Nous nous aimons et nous vivons. Nous vivons et nous nous aimons. Chanson. Et nous ne savons pas ce que c'est que la vie. Et nous ne savons pas ce que c'est que le jour. Et nous ne savons pas ce que c'est que l'amour. L'amour ou la mort? Chanson du geôlier. Où vas-tu, beau geôlier? Avec cette clé tachée de sang, je vais délivrer celle que j'aime. S'il en est encore temps. Et que j'ai enfermé tendrement, cruellement, au plus secret de mon désir, au plus profond de mon tourment. Dans les mensonges de l'avenir, dans les bêtises des serments, je veux la délivrer. Je veux qu'elle soit libre, et même de m'oublier, et même de s'en aller, et même de revenir, et encore de m'aimer. Ou d'en aimer un autre, si un autre lui plaît, et si je reste seule. Et elle, en aller, je garderai seulement. Je garderai toujours, dans mes deux mains en creux, jusqu'à la fin des jours, la douceur de ses seins, modelée par l'amour. Du mensonge, le cheval rouge de ton sourire tourne, et je suis là, debout, planté, avec le triste fouet de la réalité, et je n'ai rien à dire. Ton sourire est aussi vrai que mes quatre vérités. Dans les manèges du mensonge, le cheval rouge de ton sourire tourne, et je suis là, debout, planté, avec le triste fouet de la réalité, et je n'ai rien à dire. Et je n'ai rien à dire. Ton sourire est aussi vrai que mes quatre vérités. La porte. La porte. La porte.

disparaît dans le soleil tout en continuant. Radio Basket. Et la fête continue. Radio Basket. Radio Basket. Vas-y, je me casse. À Paul et Luard. Merde, je suis obligée de dire non. Non. Non, c'est moi qui ai dit ça à Paul et Luard. Je réalise tout ça. C'est une chose, hein. Ton micro est pas allumé. Ouais, c'est bien. Tu veux parler dedans? Vas-y, viens dire un truc. Allez, viens dire un truc. Bon, bah tiens, je te rends ton bouquin. Ouais. Hala, hala. 1-2, Houston. Hala. Oh, Hala's on the phone right now. So Hala is not, he can't come to the phone right now. He really can't come to the phone right now. Come to the phone right now. Appelez sinon. D'après ce que j'ai compris, ouais. D'après ce que j'ai compris. Thank you. Bon, et eh bien je voudrais vous remercier pour votre patience, parce que quand même c'était assez pénible comme émission, c'était très répétitif et redondant et assez chiant. Donc merci à vous de votre patience et merci à tous les gens qui ont participé, donc notamment l'Assemblée Générale de Canal Sud qui a participé en fond en faisant du bruit quoi, et en bouffant des bretzels. Et ensuite, je voudrais remercier la lectrice de tout à l'heure quoi, qui s'appelle d'un certain nom, mais j'ai pas envie de citer maintenant, mais elle a tous mes égards. Aussi merci à Dieu et merci à mon cul, je vous laisse. Allez, ciao, amusez-vous bien maintenant, parce que Nuisance. Merci. Ouais, Nuisance c'est fini quoi. La petite bête.